Non, car il n'est qu'au prix de la solitude. L'existence du terrible dans chaque parcelle de l'air, tu le respires avec sa transparence, et il se condense en toi, durcit, prend des formes pointues et géométriques entre tes organes. Car tous les tourments et toutes les tortures accomplies sur les places de grève, dans les chambres de la question, dans les maisons de fous, dans les salles d'opération, sous les arcs des ponts en arrière-automne, tous ceux et toutes sont d'une opiniâtre indébilité. Tous subsistent et s'accrochent, jaloux de tout ce qui est, à leur effrayante réalité. Les hommes voudraient pouvoir en oublier beaucoup. Leur sommeil lime doucement ces sillons du cerveau, mais des rêves le repoussent et en retracent le dessin. Et il s'éveille, haletant, et laisse se fondre dans l'obscurité la lueur d'une chandelle, et boivent comme de l'eau sucrée cette demi-clarté à peine calmante. Car hélas, sur quelle arête se tient cette sécurité? Le moindre mouvement, et déjà le regard replonge au-delà des choses connues et amies, et le contour tout à l'heure consolateur se précise comme un rebord de terreur. Garde-toi de la lumière qui creuse davantage l'espace. Ne te retourne pas pour voir si nulle ombre ne se dresse d'aventure derrière toi comme ton maître. Mieux eût valu rester dans l'obscurité, et ton cœur illimité aurait essayé de devenir le cœur lourd de toute l'indistinct. Voici que tu t'es repris en toi, que tu te sens prendre fin dans tes mains, et que d'un mouvement mal précisé, tu retraces de temps en temps le contour de ton visage. Et il n'y a presque pas d'espace en toi, et tu te calmes presque à la pensée qu'il est impossible que quelque chose de trop grand puisse se tenir dans cette étroitesse, et que l'inouï même doit devenir intérieur et s'adapter aux circonstances. Mais dehors, dehors, tout est sans mesure. Et lorsque le niveau monte au dehors, il s'élève aussi en toi, non pas dans les vases qui sont en partie en ton pouvoir, ou dans le flegme de tes organes les plus impassibles, mais il croît dans les vaisseaux capillaires, aspirés vers en haut jusque dans les derniers embranchements de ton existence infiniment ramifiée. C'est là qu'il monte, c'est là qu'il déborde de toi, plus haut que ta respiration, et, dernier recours, tu te réfugies sur la pointe de ton haleine. Ah, et où ensuite? Où ensuite? Ton cœur te chasse hors de toi-même, ton cœur te poursuit, et tu es déjà presque hors de toi, et tu ne peux plus. Comme un scarabée sur lequel on a marché, tu coules hors de toi-même, et ton peu de dureté et d'élasticité n'a plus de sens. Ô nuit sans objet, ô fenêtre sourde au dehors, ô porte close avec soin, pratique venue d'ancien temps, transmise, vérifiée, jamais entièrement comprise, ô silence dans la cage de l'escalier, silence dans les chambres voisines, silence là-haut, au plafond, ô mère, ô toi unique, qui t'es mise devant tout ce silence autant que j'étais enfant, qui le prend sur toi, qui dit « Ne t'effraie pas, c'est moi ». Qui a le courage, en pleine nuit, d'être le silence pour ceux qui a peur, pour ceux qui périssent de peur. Tu allumes une lumière et le bruit déjà c'est toi. Tu la soulèves et tu dis « C'est moi, ne t'effraie pas ». Et tu la déposes, lentement. Il n'y a pas de doute. C'est toi, tu es la lumière autour des objets familiers et intimes qui sont là, sans arrière-sens, bon, simple, certain. Et lorsque quelque chose remue dans le mur ou fait un pas dans le plancher, tu souris seulement. Tu souris, souris, transparente sur un fond clair, au visage angoissé qui te sonde comme si tu étais dans le secret de chaque son étouffé, d'accord avec lui et de concert. Un pouvoir égale-t-il ton pouvoir dans le royaume de la terre? Vois, les rois eux-mêmes sont raidis sur leur couche, et le conteur n'arrive pas à les distraire. Sur les seins adorés de leur maîtresse la plus chère, la terreur s'insinue en eux, il les fait tremblants et impuissants. Mais toi, tu viens et tu tiens l'immensité derrière toi, et tu es tout entière devant elle, non pas comme un rideau qu'elle pourrait soulever ici et là, non, comme si tu l'avais rattrapée à l'appel de celui qui avait besoin de toi, comme si tu avais devancé de beaucoup tout ce qui peut encore arriver, et que tu n'eusses dans le dos que ta course vers lui, ton chemin éternel, le vol de ton amour. Le mouleur devant la boutique duquel je passe tous les jours a accroché deux masques devant sa porte. Le visage de la jeune noyée que l'on moula à la morgue, parce qu'il était beau, parce qu'il souriait de façon si trompeuse, comme s'il savait. Et au-dessous, l'autre visage qui sait, ce dur nœud de sens tendu à rompre, cette implacable condensation d'une musique qui sans cesse voudrait s'échapper. Le visage de celui à qui un dieu a fermé l'ouïe pour qu'il n'y ait plus de son hors les siens, pour qu'ils ne soient pas égarés par le trouble éphémère des bruits, lui qui contenait leur clarté et leur durée, pour que seule l'essence, inapte à saisir le son, ramène le monde vers lui, sans bruit, un monde en suspens, en expectative, inachevé, d'avant la création du son. Finisseur du monde, ainsi que ce qui tombe en pluie sur la terre et les eaux, qui négligemment par hasard se déposent, se relève de partout, moins visible et joyeux d'obéir à sa loi, et monte et flotte et forme le ciel. De même s'éleva hors de toi la montée de nos chutes, et de musique envoûta le monde. Ta musique, elle eut peut-être autour de l'univers. Non pas autour de nous. Ont-tu construit un orgue dans la Thébaïde, et un ange t'aurait conduit devant l'instrument solitaire, entre les montagnes du désert où reposent des rois, des Étaïrs et des Anachorètes, et brusquement il aurait pris son vol, de peur que tu ne pusses commencer. Et alors tu te serais répandu à flots, fluvial, dans le vide, restituant à l'univers ce que seul l'univers peut supporter. Au loin, les Bédouins se seraient enfuis sur leurs chevaux, superstitieusement. Mais les marchands se seraient jetés par terre, aux confins de ta musique, comme si tu étais la tempête. Et seuls quelques rares lions, la nuit, auraient rôdé très loin autour de toi, effrayés par eux-mêmes, menacés par leur sang agité. Car qui à présent te retirera des oreilles cupides, qui les chassera hors des salles de concert, ces véniels dont l'ouïe stérile se prostitue et ne reçoit jamais. Voici de la semence qui rayonne, et ils se tiennent en dessous d'elle comme des filles, et ils jouent avec elle, ou bien la laissent tomber comme la semence d'Onan, tandis qu'ils sont couchés dans leurs contentements inachevés. Mais si jamais, maître, un chaste à l'oreille vierge était étendu contre ton son, il mourrait de félicité, ou il concevrait l'infini, et son cerveau fécondé éclaterait de trop de naissances.